travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Tourmente économique, la détresse des chefs d'entreprise, c'est le thème de notre émission. Bonjour Jean-Claude Berger. Bonjour, bonjour, bonjour Marilyn. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon de la situation ? Est-ce que les chefs d'entreprise, comment vivent-ils la crise actuelle ? Alors écoutez, c'est une émission qui me tient à cœur parce que moi-même déjà je suis à la fois expert mais aussi chef d'entreprise et je vois en fait la difficulté qu'il y a dans la période actuelle à affronter le désastre qui vient. On a dit dans une précédente émission que l'été sera meurtrier et tout confirme en fait ce diagnostic malheureux qui malheureusement... On voit chaque année, nous avons à peu près 50 000 défaillances d'entreprises. Il est probable que cette année, le nombre de défaillances à partir de juin, juillet, jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine, va être beaucoup plus élevé, voire va tripler. Donc, c'est une situation difficile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les chefs d'entreprise n'ont pas démérité. Très souvent, ils n'ont pas compté leurs heures, ils n'ont pas compté leur investissement. Et du fait de cette pandémie, il est vrai, on l'a dit ici dans cette radio, assez mal gérée, eh bien, ils se retrouvent dans une situation de faillite, parfois, de difficultés très grandes en trésorerie. Certains n'ont pas pu bénéficier des plans de garantie de l'État pour diverses raisons. On l'a vu beaucoup dans la restauration. Alors que la reprise est là, on voit d'ailleurs que beaucoup de restaurants sont restés fermés, sont porte-closes, parce que tout simplement, ils ne rouvriront peut-être jamais. Voilà, donc la situation, on la connaît, hein, c'est au cours de 3 mois, un ralentissement économique. On a mis les entreprises sous coma, hein, dans un coma artificiel pour éviter la contamination, avec des personnes qui restaient chez elles, hein, 13 millions de personnes, plus de 13 millions de personnes en chômage partiel, c'est-à-dire pris en charge en grande partie par l'État, 6 à 7 millions qui ont continué à travailler et environ 5 à 6 millions qui ont été en télétravail. Voilà la situation. Bon, je ne fais pas mention des 3 millions de chômeurs qu'il y avait avant la crise et qui, depuis, se sont, agrandis, hein, élargis, malheureusement. Donc, on est dans une situation où la grande difficulté, c'est de garder confiance en l'avenir, de ne pas désespérer. La grande difficulté, c'est aussi de ne pas, y compris, se laisser aller au désespoir. J'ai mémoire d'une maxime qui a été donnée par un poète qui dit ne vous fiez pas au désespoir, il ne tient jamais ses promesses. Eh bien voilà, c'est ça l'idée ce soir, c'est d'apporter les réponses à tous ceux qui sont et qui se savent, parce qu'ils connaissent les grands équilibres de leur système, de leur modèle économique, qui se savent condamnés, de leur dire la vie continue, il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des systèmes qui sont tout à fait efficaces, qui peuvent vous permettre de rebondir, de repartir. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. L'idée, ce n'est pas d'attendre la catastrophe. On a voulu, avec Olivier et Marilyn, faire cette émission maintenant, avant que la catastrophe ne s'ouvre, justement pour lancer un message d'espoir, donner des lignes de conduite, ouvrir des voies et des solutions pour ceux qui seront confrontés à toutes ces difficultés, pour qu'ils ne soient pas seuls. Parce que le pire dans cette affaire, c'est la solitude, l'isolement, qui peut conduire des gens au passage à l'acte suicidaire. Moi-même, j'ai écrit un livre il n'y a pas très longtemps, j'en profite pour en parler, le 20 février dernier, puisqu'on l'a publié juste avant le Covid, avec mon ami le psychiatre Michel Debout, où ce livre qui est consacré au suicide, hein, le suicide, un cri silencieux, aux éditions du Cavalier Bleu, eh bien, on voit bien effectivement que les chefs d'entreprise, les petits chefs d'entreprise, hein, je parle vraiment des PME, des chefs de petites entreprises, qui sont d'ailleurs très soutenus par la population française parce qu'on voit combien ils travaillent, combien ils sont investis. Bon, et leur réalité économique au niveau de l'emploi, eh bien, les chefs d'entreprise payent un lourd tribut au niveau des crises suicidaires. Voilà le débat. Donc, le débat avec nos invités, c'est de bien sûr voir leur analyse, hein, à la veille de cet été meurtrier et y compris souligner quelles sont les mains tendues, les mains ouvertes que l'on peut avoir par rapport à toutes ces personnes qui sont dans l'épreuve ou qui vont rentrer dans l'épreuve.